n'en passer mangeant la galette du roi janvier, celui qui était tombé sur la fève alors que cette année-ci. Si vous avez la février, mais si je l'ai pleuré. Si vous avez la février, mais si je l'ai pleuré. On m'a servi une autre part pour tenter ma chance. Quand on m'apporta une carte d'un ami en vacances. Oh, avril ne fait pas bon, m'écrit-il brièvement. Oh, avril ne fait pas bon, m'écrit-il brièvement. Mais en finissant de manger mon morceau de galette, pensant tout espoir envolé d'être le roi de la fête, j'eus un coup de peau incroyable, j'avais enfin la fève. J'eus un coup de peau incroyable, j'avais enfin la fève. Quelqu'un me posa la couronne sur la tête et du reste. Je lui ai dit qu'elle n'était pas bonne, la galette et les restes. Allions les donner au chacon, entendez faire miaou. Allions les donner au chacon, entendez faire miaou. N'acceptant bronchant un peu ce triste gaspillage, c'est dommage mais tout de même mieux que d'attraper la rage. Aux dates, aux brillants convives, vous avez bien raison. Aux dates, aux brillants convives, vous avez bien raison. Sous un novembre se trouvait notre chat, rêvant de manger les restants de la galette des rois. À notre